donc un peu les filles. Allez, marquez ! Ah ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric et bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM et bienvenue sur l'émission Johnny de A à Z. Tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, la 492e émission Johnny de A à Z ici sur l'antenne de RIG. Il aurait eu 79 ans aujourd'hui, ce 15 juin 2022. Et ce soir, nous célébrons l'anniversaire de Johnny Hallyday comme s'il était parmi nous avec un thème spécial. Hein. Je vous avais présenté il y a 15 jours de ça, Johnny Live Intro, avec tous les titres d'introduction des spectacles de Johnny Hallyday. Ce soir, je vais vous présenter pratiquement, presque tous les titres qui ont fermé, qui ont les titres de clôture de ces fameux shows de Johnny Hallyday de 1960 jusqu'à 2016. On ira partout, on aura des titres originaux, enfin de moins officiels, et puis aussi en même temps, quelques titres tipiaques, pirates, on aura tout ça au cours de cette émission. De son, hein, vous connaissez en majorité toutes les chansons de clôture de Johnny Hallyday, et puis aussi hein, avec toutes les tournées qu'il a pu faire. On va retracer ça tout au long de cette émission pendant ces deux heures. Et nous allons commencer tout de suite par le premier titre de cette soirée. On va commencer en 1961 avec, c'était au Palais des Sports de Paris, le 24 février 1961, Johnny Hallyday interprétait Not Get Out, la version anglaise de Laisse les filles. Et c'est uniquement pour cette date-là. Et on retrouvera après des titres qu'il a pu chanter dans les années 60, 61, 62, 64, etc., etc. Bonne écoute toutes et à tous et bonne émission Johnny de A à Z. The other night we were hopping the ball, to doing what's a look, we were 10 feet tall. When in comes more like a rat squad, you think the rat can't be knocked out. Knock it off, yeah, knock it off, you dwell in the bat. You and that bunch of howling cats get lost. Trouble is she's just so square. Well, I've got a girl named Mother Louise, she's 5 feet two and two. When it comes to rockin', she can really neck, but somehow more can't seem to take. Knock it off, yeah, knock it off. You driving the bat, you and that bunch of howling cats get lost. One of these days I'm gonna Hey, retranscription sonore que nous avons, évidemment, c'était une retranscription faite au studio avec le public derrière. Oui, ça existait déjà. Il n'y a pas que pour le Zénith 1984 que ça a été fait. John Hallyday, donc, qui refaisait en direct, car seul le band était inaudible. On retrouve tout de suite John Hallyday en 1962. Il interprétait à l'Olympia, à Agathe Woman, ainsi qu'à Amsterdam, le titre de clôture de ses concerts. She's good to me. Oh, yeah. Well, she's my baby. Don't you understand? Yeah, I'm just a loving man. Oh, well, I got a woman now. We have a town. Well, she's good to me. Oh, yeah. Well, she's there to love me all day and night. Never grumbles or fusses. Always treat me right. Never running in the street just or leaving me alone. She knows a woman plays. Oh, I don't know, you know. I got a woman. We are in town. She's good to me. Oh, oh, yeah. Oh, well, I got a woman. We are in town. She's good to me. To love me all day and night. Never gone as a versus. Always treat me right. I'll never run in the street just wanna leave me alone. She knows a woman place. Right down on him. Oh, I got a woman. We are in town. She's good to me. Oh, yeah. Oh, well, I got a woman. We are in town. She's good to me. To me, oh, oh yeah. Don't you know she's all right? Yeah, she's all right. Yeah, she's all right. Yeah, she's all right. Yeah, she's all right. Yeah, she's all right. Yeah, she's all right. Yeah, she's all right. Yeah, she's all right. Yeah, she's all right. Yeah, she's all right. Yeah, she's all right. Yes, you don't like it. Yes, you don't like it. Yes, you don't like it. Yes, you don't like it. Yes, you don't like it. Yes, you don't like it. canadien à l'instant à l'Olympia en 1962. Le titre suivant que nous allons retrouver, ce sera Tutti Frutti, le titre qui clôture les clôtures des concerts de La Roche-Migène de Jean Lupin en 1960, puis qui a fait la... qui a clôturé la tournée d'été 61, Palais des Sports 61, l'Olympia 64, la tournée d'été 1975 et pour finir Las Vegas 1996. Juste après cette petite intermède, nous retrouverons Tutti Frutti. Bonsoir tout le monde. Eh bien, je suis sacrément content d'être là ce soir avec vous. Parce que très honnêtement, fêter un anniversaire sans vous, c'est prendre un an de plus. Alors qu'avec vous, je prends toujours un an de moins. Oui. Vous voulez que ça chauffe maintenant? Oui! What to do? Got a girl in two. No choice what to do. Back to the east, back to the west. She the girl that I got. Face to the bully, all the bully. To the bully, all the bully. To the bully, all the bully. To the bully, all the bully. To the bully, all the bully. Pop on the loop on the left wing, but I got a girl named Daisy. All the boys drive me crazy. Got a girl named Daisy. Almost driving crazy. Cause she doesn't love me. Yes, indeed. But you don't know what you do to me. To the bully, all the bully. To the bully, all the bully. To the bully, all the bully. To the bully, all the bully. All everybody, and rock! Almost drive me crazy. Got a girl named Daisy. Almost drive me crazy. Don't stop to love me. Yes, indeed. But you don't know what you can do to me. To the bully, all the bully. To the bully, all the well, to the bully, all the bully. To the bully, all the bully. Whoa! We'll be right back. l'émission ce soir de Johnny de A à Z. Je vous fais découvrir ou redécouvrir toutes les outros de spectacles de Johnny Hallyday de 1960 jusqu'à 2016. À l'instant, tout est flouti. Le prochain titre que nous allons écouter, ce sera Johnny Rouvien qui a figuré lors de la tournée d'été 65, été 66, été 74 et tournée d'hiver 74 à 75. L'extrait qu'on va écouter, ce sera Johnny Rouvien de Fréjus, tout fraîchement sorti du 30 juillet 1966. Mesdames, messieurs. J'étais avec une fille qui me plaisait bien, et j'étais la quitter sans attendre demain. Malgré son amour, elle ne me comprenait pas, car elle était bien trop différente de moi. Elle a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Toujours elle m'a fait bien répéter que je l'ai retrouvée hier au soir avec des amis. Elle me semblait changer, elle n'avait plus de chagrin. Je croyais bien qu'elle m'avait un peu oublié, mais il n'en était rien, j'ai pu le constater. Elle a pas su comprendre pourquoi je l'ai quitté. Tu jures, elle m'a fait qu'à répéter que

Hallyday est revenu apparemment plus gai, plus détendu qu'avant, et même avec des moments de fantaisie. Pas d'erreur, Johnny est resté pour son public un héros, un modèle envié et aimé. La semaine prochaine, vous pourrez entendre dans Musicorama les autres chanteurs de ce programme de l'Olympia, Noël Deschamps, Jean-Jacques Debout, Pierre Perret et les Clara World Singers. Musicorama, émission de Lucien Maurice et Bruno Coquette. C'était autre chose. En effet, Johnny en 1965 avait 22 ans et aujourd'hui, il aurait eu 79 ans. Le retour de Johnny Hallyday à l'Olympia en 1966. Johnny, après son striptease et pendant qu'on réclamait une autre. Le titre Noir c'est noir servait de clôture, servait d'épilogue pour ses spectacles. Tournée d'automne 66, été 67, hiver 67. Noir c'est noir, il me reste l'espoir. Gris c'est gris. Je ne veux plus d'ennui, oh non. Ça vaut le coup de sauver notre amour, rien que pour lui. De sauver notre amour, rien que pour lui. Le noir, c'est noir. Salle bondée de fans en est à un point d'incandescence extrême. Johnny Hallyday, avec une science consommée de ce que réclame son public, vient de faire une rentrée en force. C'est à lui qu'était consacré Musicorama, émission de Lucien Maurice et Bruno Coquatrix, présentée par Robert Marcy, réalisée par Catherine Félix. Avant de vous quitter maintenant, j'ai plus qu'une chose à vous dire. C'était vraiment pour moi une soirée formidable. Alors j'espère vous revoir à l'Olympia l'année prochaine. Salut! Et on le retrouve tout de suite à l'Olympia en 1967. C'était du 15 mars au 16 avril, un mois. Pendant un mois, Johnny Hallyday clôturait son show avec sa femme d'époque, Sylvie Vartan, et ce titre de Ike et Tina Turner. Je crois qu'il me rend fou, ton amour. Vous écoutez RIG, l'émission Johnny de la Z. Ce qui est vrai, oui, j'ai mon amour pour toi. Je sais qu'il est vrai, oui, je crois bien qu'il se voit. Là dans tes yeux, là dans mes yeux, il est écrit. Je crois qu'il me rend fou ton amour. Je crois qu'il me rend fou ton amour. J'ai envie de le crier, oui, j'ai mon amour pour toi. Jusqu'à perdre la voix. Il est en toi. Il est en moi. Il est écrit. Je crois qu'il me rend fou ton amour. Je crois qu'il me rend fou ton amour. Il est bien plus fort. Il te résiste. Il est tout ce qu'il met. Il est en nous à ce point qu'il me rend heureux. Tout le monde peut l'imaginer. On est fous, je le sais. C'est merveilleux, je ne peux penser qu'à nous aimer. On est fous, je le sais. On est amoureux. Il suffit de nous regarder. Il est bien là. Il se voit. Il est écrit. Je crois qu'il me rend fou ton amour. Je crois qu'il me rend fou ton amour. J'ai envie de le crier. J'ai mon amour pour toi.

fait quitter un concert comme ça après avec une musique pareille. Mais ce soir, je vous propose d'écouter pratiquement toutes les outros des concerts de Johnny Hallyday de 1960 jusqu'à 2016. On va tomber maintenant en 1968 à nouveau pour l'écouter le titre suivant, Lucille, qui a été diffusé, qui a été chanté en clôture des spectacles du Palais des Sports 67, la tournée d'automne 67 et la tournée 10 février au printemps 68 avec la version anglaise de Lucille. This one and Lucy was not inside. That's my tense of battle. Oh, nearly dropped out, Lucy. Let's come back where you belong. I'm asking to you, baby. Now, please don't leave me alone. This morning, Lucy was not inside. And my friends are powder. Oh, that least one died, Lucy. Please come back where you belong. Wow! I'm asking you, baby. Now, please don't leave me alone. I'm asking to your baby, now please don't leave me alone. I walked on this morning loose, it was not inside. I spoke to some pallet, oh, that leaves your dad, Lucy. Please come back where you belong. I'm asking to your baby, please don't leave me alone. Lucille, oh, oh, oh, oh, Lucille. When I need you, honey, come on straight back to me, baby. Well, I need you so. Oh, yeah. I'm asking to you, baby. Now, please don't leave me alone. Come on, let's go one more time, right? Yeah. Lucille, let's come back where you belong. Lucille, please come back where you belong. I'm asking to your baby, now please don't leave me alone. Wow. Instant John Hallyday avec Lucille, c'était à Grenoble le 10 février 1968. John Hallyday, on le retrouve maintenant au Palais des Sports en 1969 avec ce titre qui terminait son show. C'était Je suis dans la rue. On retrouve également ce titre de clôture lors des tournées 69 et ainsi que dans lors de la tournée d'hiver 1971. C'est mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Oh oui, je suis né dans la rue. Oh oui, je suis né dans la rue. Dans la rue. Dans la rue, je trouve les taudis. Dans un berceau de fer, je devais grandir. Ne vous étonnez pas si je ne sais pas sourire. Parce que je suis dans la rue. Oh oui, je suis dans la rue. Dans la rue. Je n'ai pas eu de père pour me faire rentrer le soir. Et bien souvent, ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare assis sur le trottoir. Le cœur comme une pierre, je commençais ma vie. Parce que je suis dans la rue. Je suis dans la rue, dans la rue. Jamais. J'ai dû me battre encore plus fort pour la garder. De tous les côtés de la ville, on me cherchait. Les poings se sont serrés, depuis je n'ai pas changé. Parce que je suis dans la rue. Je suis dans la rue, dans la rue. Maintenant j'ai vécu une absence de vie. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Les chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Moi je retourne dans la rue. Parce que je suis dans la rue. Je suis dans la rue, dans la rue. Dans la rue. On voudrait me faire changer, mais c'est une cause perdue. Vous perdez votre temps, je reviendrai à la rue. Parce que je suis dans la rue, je suis dans la rue. J'espère que ce nouveau style de spectacle vous aura plu. J'espère refaire encore beaucoup mieux la prochaine fois. Vous savez, ce soir, je suis très très ému de vous voir. Et simplement vous dire en quelques mots que j'ai beaucoup de chance dans ma vie. J'ai la chance de faire beaucoup de voyages. J'ai la chance de représenter la France à l'étranger. J'ai la chance d'être ce soir au Palais des Sports. J'aimerais vous entendre applaudir très fort. Le grand orchestre dirigé par Jean-Claude Magnier. J'aimerais maintenant vous présenter mon nouvel orchestre dirigé à la guitare par Mickey Jones. Et dirigé également à la batterie par Mr. Tommy Brown. J'aimerais également vous dire que, surtout si j'ai la chance d'être sur cette scène ici aujourd'hui au Palais des Sports, si j'ai la chance d'être Johnny Hallyday, c'est grâce à vous, car c'est vous qui avez fait Johnny Hallyday. Merci. Je suis né dans la ville où les murs seront toujours gris. Derrière un terrain vague où se trouve l'étendue. Dans un berceau de fer, je devais grandir. Ne vous m'étonnez pas si je ne sais pas sourire. Parce que je suis né dans la rue. Je suis dans la rue, il est dans la rue. Dans la rue, je suis né dans la rue. Dans la rue, je suis né dans la rue. Well, wop bop a loop bop a la fin bum, tutti frutti, all the good, tutti frutti, all the good. Oh, lot of shaky going on. Papa Lula, well, she's my baby. Hey, Papa Lula, I don't mean maybe. Hey, Papa Lula, well, she's my baby. Hey, Papa Lula, I don't mean maybe. She's a girl with a red blue jean. She's a queen of all the teens. She's a woman that I know. She's a woman that loves me so, yeah. D'émission en présentant donc les Johnny Outro, toutes les chansons qui finissent, terminer les concerts de Johnny Hallyday. Et là maintenant, Johnny Hallyday, on va le retrouver parmi les 20 chansons qui restent encore à écouter. Le voici en tournée d'été. Il interprétait le titre « Oh ma jolie Sarah ». C'était pendant l'émission « Campus » il me semble. Il interprétait « Ma jolie Sarah », tournée d'été 71, tournée automne 72 et tournée Polynésie 1972. Johnny, à la base. Campus spécial. Mais les blancs, j'ai dû Québec pour la bonne et simple raison qu'il devait arriver est arrivé. Il est temps que ça se termine. Nos micros d'ambiance sont se passent sur la scène maintenant. Se bat là-bas à gauche. Le micro était, enfin, le micro d'ambiance plutôt, il était arraché les prises, je ne sais pas, il est temps que ça se termine et on se bat encore. Voilà, ça continue. Ça cogne maintenant. Voilà. Je dis continue. De Palavas, c'était les flots, c'était le 17 août 1971. Johnny terminait son spectacle avec Ma Jolie Sarah. On va arriver maintenant en 1972, la tournée d'été 72, Johnny Circus. Johnny avait interprété Dead or Alive pour terminer son show, ainsi qu'au Théâtre de Paris en 2013 et aussi deux dates américaines en 2014. Maintenant, je veux vous entendre. Johnny 2AZ avec le thème de la soirée qui est les outros de Junaid, tous les titres qui ont clôturé le concert de Junaid, et comme le titre, vous reconnaissez l'introduction, la musique que j'aime qui a fermé plusieurs concerts de Junaid, comme la tournée du printemps 73, l'Olympia 73, la tournée de printemps 74, le Palais des Sports 76, la tournée 76, l'hiver, printemps et été 77, la tournée d'été 93, certains soirs, hein. La tournée 94, Rough Town, et la tournée d'été, Restez Vivant Tour. Voici la musique que j'aime.

présent pour la tournée d'hiver 79, l'été 79, Pavillon de Paris de 1979, la tournée d'automne 79, été, enfin hiver 80, été 80, hiver 81, hiver 82, et certains soirs de la tournée d'été 93, John Hallyday interprétait le bon temps du rock'n'roll. On le retrouve lors du Pavillon de Paris, porte de Pantin, lors de la soirée du 26 octobre 79. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, moi j'ai la chance d'être sur cette scène ce soir. C'est grâce à vous. Et puis pour ceux qui ne m'aiment pas, tant pis pour eux, parce que c'est vous qui m'avez fait. Comme moi je ne serai plus là. Il y aura un jour où je ne serai plus là, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais il y aura toujours quelqu'un qui continuera à chanter le rock and roll. Parce que le rock and roll, le rock and roll, il est là. Oui, le rock and roll est là, il est ici pour rester. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. En 1987, les spectacles de Johnny changent. Oubliez le Elvis le Pelvis et les medley rock d'anthologie. Le spectacle s'achève tout en douceur avec des chansons, ou comme en 1987, avec cette chanson déjà devenue culte, Quelque chose de Tennessee, et un public qui salue la star en agitant des mouchoirs avant de quitter la salle, en silence, ébloui et sonné. Tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini, y a plus d'amour avec tellement. Si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee. le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vivre. Je rêve en nous, c'était son cri à lui. Quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Je rêve en nous avec ce mot à lui. Quelque chose de Tennessee. En 1987, Johnny Hallyday avait 44 ans. Aujourd'hui, 15 juin 2022, il aurait eu 79 ans. Joyeux anniversaire, Johnny. Tennessee a été interprété en finale du show en Bercy 87 lors des tournées d'automne 87, hiver 88 et été 88. Et à présent, nous sommes à Bercy 1990. Johnny a interprété L'Envie, aussi pour les tournées d'automne 90, été 91, tournée d'été 93 pour certains soirs. Mais là, à Bercy, sortez de la fosse, l'Orchestre Symphonique d'Europe dirigé par Olivier Holt. Johnny apparaissait à son tour dans un élégant costume anthracite avec cravate grise pour une interprétation impeccable, je te promets. Puis clôture le show par L'Envie. Me donne l'obscurité et la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif et un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Et qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme.

Merci. Mais dites-moi maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce que vous faites tous dans mon salon, hein? On peut plus être tranquille, ça amuse. Non, j'aurais vous dire que merci, merci du fond du cœur. Merci à tous les amis, artistes également. C'est un bel anniversaire pour moi. Et ça a été possible grâce à vous. Et je vous aime très fort. Vraiment du fond du cœur, c'est vrai. Merci. J'aimerais vous dire que les arrangements sont de mon ami Yvan Cassard. Puis j'aimerais vous entendre applaudir très fort les jolies jeunes filles qui jouent les cordes, les violons, les violoncelles ce soir avec nous sur scène. Et puis, cette chanson, bien sûr, elle n'est pas de moi, mais elle est pour vous. Tournée d'été 2000, de la Tour Eiffel à l'Olympia par les stades et aussi par Montréal, du 2 juin au 31 août 2000, Johnny clôt son spectacle avec ce petit d'Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. La tournée suivante est en 2003, du 24 mai au 21 décembre. Et Johnny fait son final avec le titre suivant, extrait de l'album À la vie et la mort, M'arrêter là. jour ou l'autre m'arrêter là, trouver les mots, trouver l'endroit, prendre le temps, oui, d'être avec toi, seul et autant que tu le voudras. Et comme jamais, non jamais, ouvrir les yeux, revivre après et mourir à te dire je voudrais, oui, pour dire je veux et je m'en vais, pour je m'en veux m'arrêter. Encore une vie, oui, encore une fois, comprendre aussi ce que tu vois, ce que tu vivais contre moi. Et comme jamais, non jamais, ouvrir les yeux, revivre après, je voudrais, oui, pour dire je veux et je m'en veux, pour je m'en veux m'arrêter. Jamais que je vous aime. Merci pour tout. À bientôt. En 2003, Johnny Hallyday avait 60 ans. Nous voici maintenant sur la tournée Flashback Tour du 2 juin 2006 au 3 mars 2007. Et c'est sur une idée d'Ivan Kassar, qui l'accompagne au piano, que Johnny reprend la chanson La Quête de Jacques Brel. Impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une impossible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure, oui, d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l'étoile. Mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, seul damné tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux oh, brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, rue même trop, même mal, pour atteindre, à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. Le Tour 66 doit être la dernière tournée de Johnny, comme il avait déclaré à la télévision et à la presse. Tour 66, du 8 mai au 24 novembre 2009, Johnny, pour nous dire adieu, reprend un des standards du Chibarbeco. Et maintenant... Que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? De tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que vous êtes parti? Ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est tout petit. Mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Et même Paris rêve d'ennui. Et toutes ces rues. Maintenant, que vais-je faire? Je vais en vivre pour ne plus pleurer. Je vais brûler, oui, de nuits entières. Et au matin, moi, je te haïrai. après des problèmes de santé, Johnny Hallyday reprend la route en 2012 avec le Bon Rocker Tour ou M'arrêter là, hein, comme vous voulez, hein, du 14 mai au 12 octobre. Et il interprète le titre Quand on n'a que l'amour également à Bercy 93, Bruxelles 96, en Polynésie 2016 et en été 2016 également. Voici le standard de Brel. Quand on n'a que l'amour sur RIG dans l'émission Johnny de FZ, spécial Out Tro. Je voudrais dédier ce morceau à toutes les victimes des attentats, ainsi qu'à leurs familles, à tous les Bruxellois et à tous les Belges. Je vous aime. Quand on n'a que l'amour à offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Et quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans l'une autre richesse que d'y croire encore. Et quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Mais quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteau de velours. Et quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Et quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dans l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer le chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains. Oui, le monde entier. Je vous aime. Merci. Au vive la Belgique. Et vive la France aussi. Lors de cette tournée Bon Rocker Tour, du 13 octobre 2012 au 27 juin, sauf Bercy et le Théâtre de Paris, et puis aussi pour la tournée US 2014, Johnny nous interprétait ce titre également, L'Attente. Servir mes bras si c'est pour brasser du vent. Que vais-je faire de mes deux mains si elles espèrent en vain? En ce qui concerne mes yeux, ils ne voient plus que nous deux.

intraçable et muet. Je ferai de ma voix l'écho de mon absence et de tout cet amour un sentiment parfait. Me demander de manquer. Viens très loin de toi, un exil volontaire, brisant ma solitude avec des choses de rien. Allez, à présent, on va faire un petit tour du côté du Palais des Sports en 1971. Pour finir, façon rock'n'roll, ce fameux Johnny de A à Z live outro. Tous les titres qui finalisaient les concerts de Johnny Hallyday de la période de 1960 jusqu'à 2016. Johnny chantait plusieurs fois des petits medleys comme ça. On retrouve aussi notamment le titre Walla Shaking Going On qui a été chanté au final de ses concerts dans les tournées 70 au Palais des Sports en 71, Palais des Sports 82, et tournée d'hiver 83, été 83, au Zénith en 84 à 85, lors de la tournée d'hiver 85 et de la tournée 1992. We'll be right back. rock'n'roll guitar. On l'appelait le king of rock'n'roll. Il était peigné comme ça. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Il y a un médecin qui se présente tout de suite, s'il vous plaît. Pour vous, pour moi, notre ami Michel Pollard. L'orchestre dirigé à la batterie par Tommy Brown. Oh, c'est une chérie, baby. Oh, c'est le grand love, baby. Oh, chérie, baby. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Oh, c'est le grand love, baby. Oh, shake it, baby. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Aurait eu 79 ans aujourd'hui, ce 15 juin 2022. Johnny Hallyday, joyeux anniversaire, Johnny Hallyday. Et merci encore à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission Johnny de A à Z spécial live outro. Tous les titres finaux qui ont clos toutes ces concerts de Johnny Hallyday. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, un nouveau live. Oh, je veux le dire, c'est Johnny et Elvis. Bonne nuit à toutes et à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.